Après Shane Gauthier l'an dernier, Dolbo Mistassini a un deuxième joueur repêché par une formation de la Ligue canadienne de football. Alexandre Gagnon a été repêché par les Stampeders de Calgary récemment. Et tout le personnel et la direction de Dolbo Auto est très heureux et félicite Alexandre. Un bel exemple de ténacité et détermination pour notre jeunesse. Notre département des ventes vous invite à venir voir nos différents modèles, Sierra et Silverado, à partir de 10 500 $. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg à Dolbo-Mistassini, 418-276-0580. On va parler d'un joueur qui nous a fait quand même triper, qu'on a suivi beaucoup durant le camp d'entraînement des Stampeders de Calgary, qui a été retranché vendredi dernier, mais il n'a pas, je pense, à être déçu de sa performance. C'est Alexandre Gagnon. Salut, Alex. Salut. Alexandre, évidemment, tu n'as pas à être déçu dans le fond. Là. C'est sûr que c'est décevant sur le coup de dire que tu as été retranché, mais dans le fond, quand tu regardes tout ça, tu as quand même donné une belle impression. Puis c'était vraiment peut-être ton objectif premier. Ben écoute, pour moi, j'étais dans une situation gagnant-gagnant. Si je faisais l'équipe, j'allais être super content. Puis si je revenais, j'allais être content également. Donc j'avais rien à perdre en allant là-bas. J'ai tout donné, j'étais allé à 100%, je pense que oui, j'ai montré vraiment des très belles choses qui ont fait en sorte que les coachs ont voulu continuer à travailler avec moi. C'est pour ça qu'ils m'ont pas release, dans le fond, ils m'ont placé sur la suspended list. Comme ça, je suis encore officiellement avec l'équipe, donc une autre équipe ne peut pas me réclamer. Je voulais être sûr de toujours garder mes droits puis de me revoir l'année prochaine au camp d'entraînement. Le fait que c'était il te restait une année d'éligibilité, Alexandre, est-ce que ça t'a vraiment joué contre toi pour faire l'équipe? Non, je pense pas. Okay. Ça enlevait vraiment beaucoup de pression, contrairement aux par exemple, des gars qui, eux, ils ont pas d'autres années. C'est là que ça passe ou ça casse. Parce que moi, si ça passait pas, ben, j'avais toujours l'année prochaine pour me reprendre. J'avais une porte de sortie qui faisait en sorte que j'avais vraiment beaucoup moins de pression que les autres. Okay. Au bout de tes deux semaines, j'imagine que tu es un joueur de football amélioré. On dit tout le temps qu'on s'entraîne avec les meilleurs, c'est là qu'on devient meilleur. Donc, j'imagine que là, quand tu fais le bilan de tout ça, tu vas être un joueur nettement amélioré avec Sherbrooke au cours de la prochaine saison. Ah oui, j'avais déjà un baccalauréat en football, comme on dit, et là, je viens de faire un doctorat en football, définitivement. Surtout à Calgary, qui ont la meilleure défensive au Canada, la meilleure ligne défensive, le joueur avec le plus de sacs du corps l'année dernière aussi. J'avais les meilleurs mentors que je pouvais pas avoir, puis ils m'ont vraiment donné beaucoup de football dans le corps. J'ai vraiment hâte de m'asseoir ici avec mon coordonnateur défensif, de parler de tout ça avec lui, puis définitivement que ça va nous aider ici à Sherbrooke, parce que je veux beaucoup avoir de conseils à donner à mes joueurs. Ouais. Est-ce qu'on t'a dit sur quoi tu devrais travailler pour la prochaine saison? Faut que je prenne du poids. Ah, c'est ça ton... C'est clairement ce qu'ils m'ont dit. Parce que ta grandeur t'aide beaucoup, 6 pieds 8, 6 pieds 7, 6 pieds 8, quelque part, mais par contre, 230 livres pour ta grandeur, t'es pas gros, là. Non, c'est ça. La vitesse me faisait vraiment pas défaut. Sur une unité spéciale, j'étais aussi rapide, sinon plus que plusieurs joueurs. Puis j'étais vraiment capable de compétitionner. Mais sur la ligne défensive à 230, définitivement que je suis trop léger. Ma vitesse puis mes bras m'ont toujours aidé. Mais il va falloir que je prenne du poids, puis c'est clairement ce qu'ils m'ont dit de faire pour l'année prochaine. OK. Est-ce qu'on va te suivre? Est-ce qu'il y a des dépisteurs, des Stamps qui vont te suivre au cours des prochaines des prochains mois? Ben, ils regardent toujours ils vont regarder mes matchs, c'est sûr. Mon entraîneur de la ligne défensive m'a dit n'hésite pas à m'appeler. Tu veux parler de pass rush, de peu importe de technique pour t'aider à ta saison. Puis je sais qu'ils vont parler à mon préparateur physique après la saison pour superviser ça de là-bas. Okay. Mais le travail, ça va être à moi de le faire. Là, je m'entoure des bonnes personnes puis que je sois vraiment discipliné au cours de la prochaine année. Je me rappelle que t'avais fait quand Shane avait été repêché l'année passée, je t'avais parlé de toi puis t'avais dit oh, regarde, moi je joue au football pour le plaisir. Je suis pas nécessairement de carrière là. J'imagine que le fait que tu aies été repêché, le fait que tu joues maintenant, t'as connu un camp d'entraînement, à quelque part, est-ce que ta vision face au football a changé? Ben, c'est sûr que je joue pour le plaisir, puis ouais. quand t'as du plaisir, tu veux pas que ça s'arrête, donc je m'en vais là-bas, puis c'est pas nécessairement une carrière que je veux faire, je veux juste jouer le plus longtemps pour avoir du plaisir. Mm. Puis honnêtement, je m'attendais pas à ce que le vibe de l'équipe soit comme ça, je m'attendais à ce que ce soit vraiment, chacun fait ses petites affaires, puis c'est pas vraiment un esprit d'équipe qui est là, puis parce que c'est ce que j'avais entendu parler, mais je sais pas si c'est... C'est à Calgary que c'est comme ça, puis les autres places, c'est pas comme ça, mais à Calgary, c'était vraiment... J'avais l'impression d'être dans une équipe universitaire, c'était tous des gars qui avaient du plaisir ensemble, qui jouaient pour le fun, puis qui tout le monde était vraiment gentil, tout le monde avait du fun, puis... Ben, ils sont pas... Cool. Ça a changé vraiment ma vision de... Professionnels. Ils sont pas une bonne organisation pour rien. Les Stampeders de Calgary, au cours des dernières années, c'est probablement la meilleure organisation dans les Canadiens de football, puis c'est pas pour rien. C'est l'organisation est pas tout croche. Là. C'est pas une organisation. C'est pas les Rough Riders d'Ottawa du temps. Là. Ta commotion cérébrale, comment que t'as subi contre les Eskimos, est-ce que c'est correct ce côté-là? C'était pas une commotion cérébrale, finalement, c'était vraiment des maux de tête qui me venaient. Ah, ok. Okay. Mais oui, j'ai pris ça off les dernières journées du camp. Ils m'ont aussi offert de payer des traitements ici si j'en avais toujours besoin, mais heureusement à Sherbrooke, on a accès à des physiothérapeutes gratuitement avec le Varéor. Donc, non, ça va vraiment mieux, là. J'ai pratiquement plus rien. OK. Ben, Alexandre, on est pas mal fiers de toi. C'était bien le fun de te suivre avec toi et Marc-Éric Bouchard, qui était là-bas, notre collaborateur à Radio-Canada pour le temps du camp d'entraînement. Fait qu'un gros merci. Ben, on va se reparler au moment où la saison du 21 va débuter. C'est bien parfait. Alexandre Gagnon de Dolboom.